bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième partie donc de l'Avant-Garde, émission numéro 9, Avant-Garde partie 2. Alors donc comme je l'avais précisé lors de la dernière émission, il s'agit en fait de la suite des nouveautés 2018, 2019 et 2020 avec des nouvelles productions. Et on reviendra bien sûr avec d'autres productions que l'on avait passées lors de l'émission numéro 8. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un thème. Alors il y aura en fait du martien industriel, etc. Mais ça sera un thème assez mystique et un thème assez mythologique sur ces dernières productions. Il y en aura pas mal. Donc ça permettra un peu d'orienter vers une ambiance un petit peu plus sépulcrale, un petit peu plus onirique et mystique. Voilà pour cette nouvelle émission. Et on va attaquer tout de suite d'ailleurs avec un groupe de martial néoclassique et on en reparlera tout de suite. Il s'agit de Stalingrad Valkyrie avec Roma. De Valkyrie. Alors vous aurez remarqué c'est quand même néoclassique. Alors en fait le projet est italien, à la base est italien et il a été fondé par Elena Alice Fossi. Alors qui c'est Elena Alice Fossi? C'est tout simplement la chanteuse et fondatrice du groupe Kirlian Camera. Alors Kirlian Camera, c'est un groupe quand même qui à une époque a eu pas mal de succès dans le domaine de l'électropop et l'électro-synthpop, jusqu'à d'ailleurs avoir carrément des disques d'or. Alors ça date quand même des années 80. Et donc elle a continué à faire pas mal de choses, donc c'est un projet parallèle. Ce groupe, Stalingrad Valkyrie, et le titre Roma était tiré de l'album Martyrium Europae, donc Europe Martyr. À noter que les deux groupes existent toujours, hein, Stalingrad a été fondé par Angelo Bergamini et Ivano Bixi, mais la chanteuse en fait est donc, comme je disais tout à l'heure, Elena Fossi. Voilà pour le groupe Stalingrad Valkyrie. On va passer tout de suite à un autre groupe et on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Thank you. MZ, dernier titre. C'était donc MZ 412. Alors MZ 412 est une production suédoise. Et cette production suédoise a fait pas mal d'albums et en fait officie donc dans le domaine de ce qu'on appelle le black industriel. Alors vous aurez remarqué quand même cette ambiance assez particulière du black industriel, très lourde en fait, avec ces fonds un peu martiaux. Alors moi vraiment j'aime bien, c'est très apocalyptique hein, comme tendance, donc pour MZ412. Alors pour l'anecdote, MZ412, ce dernier groupe vient en fait d'un autre groupe qui date de la fin des années 80, début 90, c'est le groupe Nordvarg de black metal, et en fait on l'appelle aussi MZ412 Machine Nenzheimer. Donc voilà, ils ont sorti un premier album en 1989 sur le label Cold. Voilà, pour l'anecdote, là c'était un album de 2019 avec pour titre comme album Svart Mirkra. Voilà pour MZ412. Sinon, pour le titre, c'était Ulven's Brother. Voilà, alors juste avant, il y avait donc un autre groupe. Alors c'est un groupe vraiment, alors là vraiment moi j'aime bien, vraiment c'est vraiment sympa, c'était donc le groupe Wolfenstein. Alors excusez-moi pour la prononciation, parce qu'en plus c'est un peu des écrits un petit peu nordiques. Mais voilà, en fait il s'agit tout simplement de ce qui concerne ce groupe, il s'agit tout simplement d'une production d'une seule et même personne qui se prénomme Dan Cap. Alors Dan Cap est quelqu'un quand même qui a fait pas mal de choses dans le domaine. Comme vous l'aurez remarqué, le domaine de la dark folk. Alors, et en fait, le genre est vraiment axé selon en fait le style qu'il produit, la dark folk mythologique. Voilà. Alors, le dernier titre que l'on avait passé justement de Wolfenstein était Lord of Loth, tiré de l'album donc Fire in the White Stone. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que l'album en fait est basé sur des contes intemporels de mystère et de destin dans l'esprit de Tolkien. Voilà, Tolkien, l'écrivain, donc célèbre écrivain du Seigneur des Anneaux, mais s'inscrit aussi dans l'esprit de Wagner et du mythe du Graal. Voilà, donc c'est une influence que porte justement Dan Kep, avec d'autres musiciens bien sûr, qui viennent se rajouter en fait à la production de cet album. Voilà, donc en fait le contexte, les contextes musicaux et paroles transmettent plutôt des émotions, des atmosphères d'une histoire à plusieurs niveaux hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle un concept album. Voilà, enfin moi vraiment j'aime bien. Je repasserai un autre titre de Wolfenstein parce que franchement c'est vraiment sympathique. Voilà, donc on va tout de suite passer à autre chose, à un groupe espagnol, Trobar der Morte. We'll be right back. Voilà pour le groupe Trobar des Mortés. Alors Trobar des Mortés, c'est un groupe, comme je le disais tout à l'heure, un groupe espagnol qui officie, on l'aura remarqué qu'il officie dans un peu dans la musique médiévale. Il a été classé un peu dark wave néoclassique. Et donc le groupe est porté par la musicienne, en fait la créatrice du groupe, par Lady Morte. Donc sont inspirés du Moyen-Âge, de la fantasy, etc. Le groupe compte quand même pas mal d'albums et de hippies. Voilà, donc ils viennent en fait, ils ont tourné pas mal à Madrid, au Portugal, etc. Et ils viennent donc, comme je vous disais tout à l'heure, de Barcelone. Voilà, ils ont été créés en 1999. Et ce dernier album est tout à fait récent, puisqu'il date de 2019. Voilà pour Trobar des Mortés. Voilà, on va passer tout de suite à un autre genre, un autre style, mais pas très loin non plus. J'en reparle tout de suite après. Un autre titre qui suivra directement, Milicia Dei. Et je vous laisse avec ces deux titres, donc Steel Volk et ensuite Milicia Dei. We'll be right back. Voilà pour le groupe qu'on vient d'entendre. Donc c'était Moon Far Away. Alors Moon Far Away, c'est quelque part une production de type dark folk. Alors moi vraiment le titre est vraiment sympathique, moi j'aime bien. D'ailleurs on s'est écouté tout de suite, c'était The Blank Flag of the Europe. Alors pour parler un petit peu de ce groupe, c'est un duo russe donc qui vient du fin fond de l'Oural. Voilà, ils officient en fait autour d'un style du genre Ataraxia et du groupe comme Ataraxia, Jack Jive, aussi Eflore en fait, ça passe entre la dark folk, le néo folk et aussi le Heavenly Voice. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un très très bon groupe. Moi j'aime bien. En fait, ça rappelle beaucoup les paysages de neige, de froid, des soirs très rituels. Voilà, et ça invoque aussi les forces de la nature. Voilà. Et la musique peut devenir un peu extatique, tout dépend en fait le style qu'ils produisent. Voilà donc pour ce groupe Moon Far Away. Alors juste avant c'était Militia Dei. Voilà, alors pour information, Militia Dei c'est une production française. Et cette production officie en fait dans un projet plutôt military électro à peu près avec un côté industriel et martial, on l'a reconnu, et un côté bruitiste. Voilà, donc les rythmes en fait sont basés sur du 88 BPM, et donc le but, du moins l'idée de Militia Dei, c'est de récupérer l'héritage européen sous le nouveau paradigme de la nouvelle théocratie totale à venir. Voilà, le but principal en fait de Militia Dei, c'est nettoyer les impurs, purger les impies et écraser les corrompus. Donc voilà pour le voilà pour vraiment pour cette production française. Voilà, qui ne fait pas dans la dentelle, comme vous l'aurez remarqué d'ailleurs musicalement, ça fait pas dans la dentelle, c'est quand même assez lourd, hein, c'est quand même assez bruitiste. Voilà pour l'information. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de Militia Dei? Il y a quand même pas mal de productions. Alors celle-ci, le dernier titre, donc ce qu'on avait écouté, enfin l'avant-dernier titre Militia Dei, c'était le titre Admen. Voilà, ça s'est tiré en fait du dernier album qui date de 2019. Voilà, alors maintenant on va passer style Volk. J'en avais parlé tout à l'heure, donc un groupe français, et je reviens tout de suite pour vous expliquer un petit peu tout ça. Thank you. Alors, comme je disais tout à l'heure, Steel Volk est vraiment un groupe extrêmement intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, Steel Volk, c'est comme on l'aura entendu, c'est un groupe donc français de folk. Folk médiéval. On aura senti quand même les influences. Alors, Steel Volk, c'est en fait issu de l'allemand qui veut dire en fait peuple silencieux. Voilà, ça mène les influences occitanes et médiévales tout en ayant recours à des instruments et textes modernes. Alors, ils sont originaires des Pyrénées. Et le groupe est très influencé par le patrimoine légendaire et occulte de sa région natale, pour la plupart de ses paroles et ses chansons. Et la sorcellerie est notamment le thème central de plusieurs de ses albums. Voilà donc pour le groupe Steel Volk, c'est vraiment extrêmement intéressant, surtout qu'en plus on entend pas mal d'instruments traditionnels, voilà, et même régional. Voilà, on va passer tout de suite à Marek Papage et après Galdir. Voilà, allez, à tout de suite. We'll be right back. Alors, il s'agissait du groupe, enfin de l'artiste Gael Drir avec le titre Kona. Mais juste avant, c'était Marek Papage avec The Last Bastion of Perun. Alors, Marek Papage, c'est un Polonais, un artiste polonais qui en fait a travaillé dans le cinéma, dans le théâtre, etc. etc. Il a fait pas mal de choses en fait dans sa vie. Et donc, il utilise des instruments traditionnels et aussi, il s'influence aussi en fait des musiques philharmoniques. Voilà donc pour Marek Papage qui nous vient donc de Pologne. Il faut savoir que quand même que la personne est toute seule, hein, donc c'est vraiment un montage. Et d'ailleurs, le dernier titre est tiré d'un album qui en fait quelque part comme on l'aura ressenti du moins à l'écoute qui parle en fait des contes et légendes, donc ça s'appelle Slavich Suite. Voilà pour Marek Papage. Alors juste après c'était Geldir, excusez-moi, avec donc Kona. Alors Geldir, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement une seule et même personne qui a quand même eu pas mal de succès dans l'histoire, enfin dans les histoires racontées du folklore nordique. Voilà. Donc en fait il part dans le genre folklorique et il partage en fait son histoire personnelle à travers en fait sa musique et à travers aussi par les Eddas, donc par les contes et légendes poétiques qui font revivre l'ancienne sagesse nordique. Voilà, donc Geldir en fait a eu pas mal de productions en 2019 et donc le dernier là actuellement en 2020 avec le titre Kona. Alors pour l'anecdote, faut savoir que le nom Geldir a été inspiré par l'observation de Barentsma, alors c'est lui, hein, Barentsma, l'auteur, d'un cerf blanc dans une phase turbulente de sa vie. En fait, c'est une combinaison de mots gaéliques, Gaël, blanc, et du mot en vieux norrois, dire, cerf. Voilà, Gaël dire. Voilà pour l'anecdote. En tout cas, c'est excellent et vous avez pu entendre donc cette magnifique voix. D'ailleurs, cette voix qui a été reconnue, hein, véritablement par ses pairs. Voilà, on va passer tout de suite à un autre groupe et on va en parler tout de suite. Non, juste après, on repassera un morceau du groupe français Steel Volk avec Sous la peau de la montagne. Mais là, tout de suite, on va passer Corazzala Valdemone, Il canto del deserto. Destino. some grains. Voilà, voilà pour le dernier titre qui venait de passer. C'était bien sûr le groupe français Steel Volk, vous l'aurez remarqué, avec le titre Sous la peau de la montagne. Voilà. Alors, juste avant, c'était donc un groupe italien, je reviens dessus. C'était Corazzala Valdemone avec le titre Il Conto del Deserto. Alors, faut savoir que Corazzata Valdemone, c'est un groupe en fait qui est quelque part un projet parallèle du chanteur du groupe néo-folk Canono. Voilà pour l'information. Alors, faut savoir que le groupe est quand même étiqueté musique industrielle totalitaire, mais pas obligatoirement, comme on l'aura remarqué même tout de suite. Mais ça fusionne en fait plusieurs styles et plusieurs rythmes underground avec des échantillons volés à l'histoire. Voilà. La musique de Corazzata Valdemone en fait interprète le chaos et le totalitarisme dans un désordre et de la confusion. Et aussi d'une manière qui apprécie l'intégralité et la synthèse en vous engloutissant toutes les fréquences perceptibles avec des murs de bruit sous lui, des messages rampants et des mots qui imprègnent les couches les plus profondes de l'esprit dans un lavage de cerveau totalitaire. Voilà, c'est voilà à peu près pour la traduction du groupe Corazzata Valdemone. Voilà. On va continuer avec un groupe que j'ai bien aimé, que j'avais passé au début de l'émission, bien sûr. Donc il y a eu une petite pause un peu longue, désolé. Alors, pour le dernier titre, c'était bien sûr Steel Volk. Et Steel Volk, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un groupe français, comme on l'a entendu d'ailleurs avec les paroles françaises, c'était Sous la peau de la montagne. Et avant ça, c'était Corazzata Valdemone avec Il Canto del Deserto. Alors, il faut savoir que ce groupe officie plutôt dans la tendance martiale industrielle et musique totalitaire. Le groupe est né, le projet est né en 2003 en tant que projet parallèle du chanteur du groupe néo-folk Canono. Voilà pour l'information. Alors, il faut savoir que Corazzata Valdemone a beaucoup de productions. Et donc la musique s'inspire du chaos, comme du désordre, de la confusion, mais dans un système martial et totalitaire. Voilà. Et donc les messages s'imprègnent sur les couches les plus profondes de l'esprit, dans un lavage de cerveau basé sur le totalitarisme. Voilà pour Corazzata Valdemone. Voilà, on va passer tout de suite à un autre groupe. Et on va continuer avec Wolfsens Main. Alors, je l'avais mis au début, j'avais dit que j'aimais bien hein, vraiment ce personnage. Vraiment, Dan Kep. Voilà, donc on va passer un titre Spring to Spear. le Dénitrite, excusez-moi, j'ai pas baissé le son. Voilà, petite erreur de ma part. Voilà, alors donc pour le dernier titre, c'était Kawatana, et juste avant, forcément, c'était World Says Mine. Alors, Kawatana, c'est une production qui est hongroise, donc ça nous vient de Hongrie. Et ça officie en fait dans la dark folk et dans le folklore folk et la dark folk et aussi le folklore apocalyptique. Voilà, on peut trouver aussi des influences industrielles parmi leur production, mais là c'était pas le cas. Voilà donc pour Kawatana. On va tout de suite continuer avec un autre titre de MZ412, We Were Eternal. Juste avant, pour le titre de Kawatana, je ne l'ai pas dit, c'était une Buried Ops. Voilà, allez, on passe tout de suite à MZ412. Black holes. We will be dark. We will be dark. We are. dernier titre là, c'était donc MZ412 avec We War Eternal. Voilà, on va tout de suite passer un groupe, enfin du moins un artiste français, une fois n'est pas coutume, avec l'arme blanche, avec un titre qui s'appelle AC. Alors je vais en parler tout de suite et on va se passer ensuite. Alors l'arme blanche, comme je vous dis, c'est un projet français, mais voilà, c'est un projet mystérieux. En fait, c'est un inconnu qui ne communique pas sur son identité. D'ailleurs, sur la pochette de l'album, de son seul album pour l'instant, qui date de 2019, il figure un inconnu masqué avec une cagoule. La musique de l'arme blanche, ici, en musique assez froide et sombre, rappellera d'ailleurs les grandes époques de la technique dark et les groupes belges. Alors, il faut savoir que celui qui a signé pour la production de l'album disait que justement quand l'album était la première fois en 6 ans au sein du label Hotner Pleasure Record, qui signe avec un artiste dont il ne connaît pas le vrai visage, mais en plus la véritable identité. Ça sera juste un échange de mails audacieux et plutôt drôle. Pour en savoir plus, en fait, ils ont dû faire des événements sur certaines pistes pour pouvoir en fait sortir l'album. Et en fait, le style est plus désabusé, poétique et plus révérencieux. Voilà, donc pour le projet L'Arme Blanche. Donc on va s'écouter suite le titre de L'Arme Blanche avec AC. Qui faisait la richesse des nations, les ouvriers, les paysans, les classes moyennes connaissent une abominable détresse. Alors qu'existent partout des stocks formidables inutilisés, des dizaines de millions d'hommes meurent de faim. La société ressemble à un corps frappé de paralysie. Les capitalistes responsables de la gestion économique, politique et sociale de la presque totalité du monde se sont révélés incapables d'éviter la crise. La classe ouvrière n'a plus confiance dans les prophéties et les recettes à bon marché. Détenteur exclusif de la bonne doctrine. Ainsi, Voilà, voilà pour le titre qui venait de passer, c'était Giovanesa Europa. Donc The Roman Empire, l'Empire romain. On en avait passé la dernière émission. D'ailleurs, je vous avais fait découvrir donc ce groupe très axé sur les musiques dites totalitaires. Voilà pour l'information. Donc c'était l'avant-dernier titre de cette émission. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Alors, j'ai deux trois petites infos à passer entre temps. J'ai lancé sur Twitter. Donc vous pouvez aller sur Twitter. Alors c'est simple. Pour essayer de me contacter sur Twitter, c'est NER, N-E-R. Ça s'attache en majuscule musique, M majuscule, et après musique. Ça se finit par IC et c'est tout est en minuscule et alter A en majuscule et LTER en minuscule. Donc j'avais lancé un sondage, j'ai lancé un sondage pour 7 jours. Voilà, c'est pour vous demander si vous désiriez, vous qui écoutez Last Underground, les nouveaux enregistrements européens, si vous étiez intéressé par une rétrospective consacrée à un groupe ou un artiste. Voilà, donc vous pouvez très bien proposer. Alors, il faut que ça reste forcément dans le thème de l'émission. Vous savez maintenant quel type de musique qui est passé dans Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Donc, n'hésitez pas à proposer un groupe ou un artiste. Et je ferai une totale rétro sur le groupe, sur plusieurs albums, etc. Et bien sûr, le point de vue historique du groupe, ainsi que les projets qui s'y rattachent. Voilà pour la petite information. Et bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver sur Blogspot. Alors, c'est Last Thunder, L-A-S-T-U-N-D-E-R. blogspot.com. Voilà, donc ça c'est pour le blog. J'ai mis d'ailleurs à jour récemment donc le blog. Voilà, alors n'hésitez pas si jamais vous passez sur le blog à regarder les dernières informations, les dernières mises à jour des émissions mises en ligne. Et puis j'aurai le plaisir donc de réactualiser de temps en temps le blog. Voilà. Et bien, on va se quitter maintenant avec un dernier titre. C'est bien sûr Dernière Volonté. Alors, si vous vous rappelez de Dernière Volonté, c'est le projet de Geoffroy Delacroix, qui en fait a officié entre le néo-folk, un peu le dark folk, mais aussi l'électro-pop et l'électro-synth. Il s'agit du dernier album datant de 2019 qui s'appelle Frontières. Alors c'est un album qui sort un petit peu des sentiers battus. Moi c'est très électro-pop donc on quitte vraiment le côté un petit peu military pop en fait des productions de Dernière Volonté. Et donc le titre qu'on va s'écouter pour ce dernier titre, c'est Jusqu'à ce que. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est un titre instrumental. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la 10e émission de Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens, excusez-moi. Et ce sera sûrement une rétro sur un groupe ou un artiste, tout dépend en fait ce que vous proposerez. Voilà, si je n'ai bien sûr pas de réponse, je proposerai une rétro personnelle. Voilà pour l'anecdote et puis pour les fins d'information. Donc je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Dernière Volonté, Jusqu'à ce que.